Alors, je m'appelle Sylvie Brigaud-Villain, je suis directrice générale de Amnesty International en France et je suis surtout militante depuis 25 ans pour défendre les droits humains et défendre la protection notamment des populations dans les conflits. J'ai milité pour l'interdiction des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. Et la raison de mon engagement pour les droits, c'est parce que je pense que chacun, chacune, nous, toi, moi, nous avons les mêmes droits, ils sont universels, et que chacun, il est normal et légitime que l'on ait envie de vivre, d'être en sécurité, d'envoyer nos enfants à l'école, de pouvoir manger, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir être heureux et de pouvoir faire les choix que nous souhaitons dans la vie. Mon engagement il y a 25 ans en tant que militante, c'était pour la protection, pour la sécurité, une certaine idée de la sécurité humaine, la sécurité justement qui est contenue dans les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, je continue et je continuerai, je crois, toute ma vie à défendre les droits parce que non seulement c'est notre bien commun à tous, que nous tous sur cette planète, nous devons pouvoir jouir de ces droits et qu'ils sont de plus en plus menacés. Et que sont de plus en plus menacés aussi les personnes qui défendent les droits dans leur pays. Et nous tous, là où nous sommes, il me semble que c'est de notre devoir de faire ce que l'on peut pour que non seulement ces droits soient respectés, mais que les personnes qui les défendent soient protégées.